en faisant tomber la barrière qui séparait le Nord et l'Orient du Midi et de l'Occident de l'Europe, a ouvert le chemin aux armées qui, tour à tour, ont occupé Vienne, Berlin, Moscou et Paris. Une politique immorale s'applaudit d'un succès passager. Elle se croit fine, adroite, habile. Elle écoute, avec un mépris ironique, le cri de la conscience et les conseils de la probité. Mais tandis qu'elle marche et qu'elle se dit triomphante, elle se sent tout à coup arrêtée par les voiles dans lesquelles elle s'enveloppait. Elle tourne la tête et se trouve face à face avec une révolution vengeresse qui l'a silencieusement suivie. Vous ne voulez pas serrer la main suppliante de la Grèce? Eh bien, sa main mourante vous marquera d'une tache de sang, afin que l'avenir vous reconnaisse et vous punisse. Lorsque je parcourus la Grèce, elle était triste, mais paisible. Le silence de la servitude régnait sur ces monuments détruits. La liberté n'avait point encore fait entendre le cri de sa renaissance du fond du tombeau d'Hermodius et d'Aristogiton, et les hurlements des esclaves noirs de l'Abyssinie n'avaient point répondu à ce cri. Le jour, je n'entendais, dans mes longues marches, que la longue chanson de mon pauvre guide. La nuit, je dormais tranquillement, à l'abri de quelques lauriers roses, au bord de l'Orotas. Les ruines de Sparte se taisaient autour de moi, la gloire même était muette. Épuisé par les chaleurs de l'été, l'Orotas versait à peine un peu d'eau pure entre ses deux rivages, comme pour laisser plus d'espace au sang qui allait bientôt remplir son lit. Modon, où je foulais pour la première fois la terre sacrée des Hellènes, n'était pas l'arsenal des hordes d'Ibrahim. Navarin ne rappelait que Nestor et Pylos. Tripolisa, où je reçus les firmans pour passer l'isthme de Corinthe, n'était pas un amas de décombres noircis par les flammes et dans lesquels tremble une garnison de bourreaux mahométans, disciplinés par des renégats chrétiens. Athènes était un joli village qui mêlait les arbres verts de ses jardins aux colonnes du Parthénon. Les restes des sculptures de Phidias n'avaient point encore été entassés pour servir d'abri à un peuple, redevenu digne de camper dans ses remparts immortels. Et où sont mes hôtes de Mégare? Ont-ils été massacrés? Des vaisseaux chrétiens ont-ils transporté leurs enfants au marché d'Alexandrie? Des bâtiments de guerre construits à Marseille pour le pacha d'Égypte, contre les vrais principes de la neutralité, ont-ils escorté ces convois de chair humaine vivante ou ces cargaisons de mutilations triomphales qui vont décorer les portes du sérail? Chose déplorable. J'ai cru peindre la désolation en peignant les ruines d'Argos, de Mycène, de Lacédémone. Et si l'on compare mes récits à ceux qui nous viennent aujourd'hui de la Morée, il semble que j'ai voyagé en Grèce au temps de sa prospérité et de sa splendeur. J'ai pensé qu'il était utile pour la cause des Grecs de joindre à cette nouvelle préface de l'itinéraire ma note sur la Grèce, mon opinion à la Chambre des Pairs, à l'appui de mon amendement sur le projet de loi pour la répression des délits commis dans les échelles du Levant. Et même la page du discours que j'ai lu à l'Académie, page où j'exprimais mon admiration pour les anciens comme pour les nouveaux Hellènes. On trouvera ainsi réuni tout ce que j'ai jamais écrit sur la Grèce, en acceptant toutefois quelques livres des martyrs. J'ai offert dans la note un moyen simple et facile d'émanciper les Grecs, et j'ai plaidé leur cause auprès des souverains de l'Europe. Par l'amendement, je me suis adressé au premier corps politique de la France. Et ce noble tribunal a prononcé une magnanime sentence en faveur de mes illustres clients. La note présente la Grèce telle que des barbares la font aujourd'hui. L'itinéraire la montre telle que d'autres barbares l'avaient faite autrefois. La note, indépendamment de son côté politique, est donc une espèce de complément de l'itinéraire. Si la nouvelle édition de cet ouvrage tombe jamais entre les mains des Hellènes, ils verront du moins que je n'ai pas été ingrat. L'itinéraire fait foi de l'hospitalité qu'ils m'ont donnée. La note témoigne de la reconnaissance que j'ai gardée de cette hospitalité. Au surplus, on pourra remarquer que j'ai jugé les Turcs dans l'itinéraire comme je les juge dans la note, bien qu'un espace de 20 années sépare les époques où ces deux ouvrages ont été écrits. Les affaires de la Grèce se présentaient naturellement à mon esprit en m'occupant de la réimpression de l'itinéraire. J'aurais cru commettre un sacrilège de les passer sous silence dans cette préface. Il ne faut point se lasser de réclamer les droits de l'humanité. Je ne regrette que de manquer de cette voix puissante qui soulève une indignation généreuse au fond des cœurs et qui fait de l'opinion une barrière insurmontable au dessein de l'iniquité. Il y a deux sortes de neutralité, l'une qui défend tout, l'autre qui permet tout. La neutralité qui défend tout peut avoir des inconvénients. Elle peut, en certains cas, manquer de générosité, mais elle est strictement juste. La neutralité qui permet tout est une neutralité marchande, vénale, intéressée. Quand les parties belligérantes sont inégales en puissance, cette neutralité, véritable dérision, est une hostilité pour la partie faible, comme elle est une connivence pour la partie forte. Mieux vaudrait se joindre franchement à l'oppresseur contre l'opprimé, car du moins on n'ajouterait pas l'hypocrisie à l'injustice. Vous laissez le pacha d'Égypte bâtir des vaisseaux dans vos ports. Vous lui fournissez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour achever ses expéditions. Et vous dites que les Grecs peuvent en faire autant? Le pacha d'Égypte peut vous payer les moyens de destruction qu'il vous achète. Son fils ravage la Morée. Les Grecs ont-ils pour faire bâtir des vaisseaux l'or que les Arabes d'Ibrahim leur ont ravi? Les enfants de ces Grecs ne sont-ils pas élevés dans vos cités par la piété publique à laquelle vous ne voulez prendre aucune part? Cessez donc de nous dire que les Grecs peuvent aussi faire construire des vaisseaux dans vos ports. Ne venez pas, en insultant la raison et l'humanité, appeler du nom de neutralité une alliance abominable. Fin de la section 0.